Deuxième livre des Rois, chapitre 10. Or Achab avait 70 fils à Samarie. Et Jéhu écrivit des lettres, et les envoya à Samarie aux principaux de Jisréel, aux anciens, et aux nourriciers d'Achab, leur mandant en ces termes, « Aussitôt que ces lettres vous seront parvenues, à vous, qui avez avec vous les fils de votre maître, les chariots, les chevaux, la ville forte, et les armes, regardez qui est le plus considérable, et le plus agréable d'entre les fils de votre maître, et mettez-le sur le trône de son père. Et combattez pour la maison de votre maître. » Et ils eurent une très grande peur, et dirent, « Voilà, deux rois n'ont point pu tenir contre lui, comment donc pourrions-nous nous soutenir ? » Ceux-là donc qui avaient la charge de la maison, et ceux qui étaient commis sur la ville, et les anciens, et les nourriciers mandèrent à Jéhu, en disant, « Nous sommes tes serviteurs, nous ferons tout ce que tu nous diras, nous ne ferons personne roi, fais ce qui te semblera bon. » Et il leur écrivit des lettres pour la seconde fois, en ces termes, « Si vous êtes à moi, et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes des fils de votre maître, et venez vers moi demain à cette heure-ci à Jisréel. » Or les fils du roi, qui étaient 70 hommes, étaient avec les plus grands de la ville qui les nourrissaient. Aussitôt donc que ces lettres leur furent parvenues, ils prirent les fils du roi, et mirent à mort 70 hommes, et ayant mis leurs têtes dans des paniers, ils les lui envoyèrent à Jisréel. Et un messager vint qui le lui rapporta, et dit, « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » Et il répondit, « Mettez-les en deux monceaux à l'entrée de la porte, jusqu'au matin. » Et il sortit au matin, et s'étant arrêté, il dit à tout le peuple, « Vous êtes juste, voici j'ai fait une ligue contre mon seigneur, et je l'ai tué, et qui est-ce qui a frappé tous ceux-ci ? Sachez maintenant qu'il ne tombera rien en terre de la parole de l'Éternel, laquelle l'Éternel a prononcée contre la maison d'Achab, et que l'Éternel a fait ce dont il avait parlé par le moyen de son serviteur Élie. Jéhu tua aussi tous ceux qui étaient demeurés de reste de la maison d'Achab à Jisréel, et tous ceux qu'il avait avancés et ses familiers amis, et ses principaux officiers, en sorte qu'il ne lui en laissa pas un de reste. Puis il se leva, et partit, et alla à Samarie. Et comme il fut près d'une cabane de berger sur le chemin, il trouva les frères d'Achazia roi de Juda, et il leur dit, « Qui êtes-vous ? » Et ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Achazia, et nous sommes descendus pour saluer les fils du roi, et les fils de la reine. » Et il dit, « Empoignez les vifs. » Et ils les empoignèrent tout vifs, et les mirent à mort, savoir 42 hommes, auprès du puits de la cabane des bergers, et on n'en laissa pas un de reste. Et Jéhu étant parti de là, trouva Jonadab fils de Réchab, qui venait au-devant de lui, lequel il salua, et lui dit, « Ton cœur est-il aussi droit envers moi, que mon cœur l'est à ton égard ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est, oui il l'est, donne-moi ta main, et il lui donna sa main, et le fit monter avec lui dans le chariot. » Puis il dit, « Viens avec moi, et tu verras le zèle que j'ai pour l'Éternel. » Ainsi on le mena dans son chariot. Et quand Jéhu fut venu à Samarie, il tua tous ceux qui étaient demeurés de reste de la maison d'Achab à Samarie, jusqu'à ce qu'il eût tout exterminé, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis Jéhu assembla tout le peuple, et leur dit, « Achab n'a servi qu'un peu Baal, mais Jéhu le servira beaucoup. Maintenant donc appelez-moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs, et tous ses sacrificateurs, qu'il n'y en manque pas un, car j'ai à faire un grand sacrifice à Baal. Quiconque ne s'y trouvera pas il ne vivra point. » Or Jéhu faisait cela par finesse, pour faire périr les serviteurs de Baal. Et Jéhu dit, « Sanctifiez une fête solennelle à Baal, et ils la publièrent. » Et Jéhu envoya par tout Israël, et tous les serviteurs de Baal vinrent, il n'y en eut pas un qui n'y vint, et ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie depuis un bout jusqu'à l'autre. Alors il dit à celui qui avait la charge du revestiaire, « Tire-en des vêtements pour tous les serviteurs de Baal, et il leur en tira des vêtements. » Et Jéhu et Jonadab fils de Réchab entrèrent dans la maison de Baal, et Jéhu dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez diligemment, et regardez que par hasard, il n'y ait ici entre vous quelqu'un des serviteurs de l'Éternel, et prenez garde qu'il n'y ait, que les seuls serviteurs de Baal. » Ils entrèrent donc pour faire des sacrifices et des holocaustes. Or Jéhu avait fait mettre par dehors 80 hommes, et leur avait dit, « S'il y a quelqu'un de ces hommes que je m'en vais mettre entre vos mains, qui en échappe, la vie de chacun de vous répondra pour la vie de cet homme. » Et il arriva que dès qu'on eut achevé de faire l'holocauste, j'ai eu dit aux archers et au capitaine, « Entrez, tuez-les, et que nul n'échappe. » Les archers donc et les capitaines, les passèrent au fil de l'épée, et les jetèrent là, puis ils s'en allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Et ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal, et les brûlèrent. Et ils démolirent la statue de Baal. Ils démolirent aussi la maison de Baal, et la firent servir de retrait, jusqu'à ce jour. Ainsi j'ai eu exterminé Baal d'Israël. Toutefois j'ai eu ne se détourna point des péchés de Jéroboam fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël, savoir des veaux d'or qui étaient à Bethel, et à Dan. Et l'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as fort bien exécuté, ce qui était droit devant moi, et que tu as fait à la maison d'Achab, tout ce que j'avais en mon cœur, tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la quatrième génération. Mais Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel le Dieu d'Israël, et il ne se détourna point des péchés de Jéroboam par lesquels il avait fait pécher Israël. En ce temps-là l'Éternel commença à retrancher quelques parties du royaume d'Israël, car Hazaël bâtit les Israélites dans toutes les frontières. Depuis le Jourdain jusqu'au soleil levant savoir dans tout le pays de Galaa, des Gadites, des Rubénites, et de ceux de Manassé, depuis Aroé, qui est sur le torrent d'Arnon, jusqu'en Galaa et en Bazan. Le reste des faits de Jéhu, tout ce, dis-je, qu'il a fait, et tous ses exploits, ne sont-ils pas écrits au livre des chroniques des rois d'Israël? Et Jéhu s'endormit avec ses pères, et fut enseveli à Samarie, et Joachas son fils régna en sa place. Or les jours que Jéhu régna sur Israël à Samarie furent 28 ans.